Kikala bimisa oyeza nina mote mananga Mangongo yezi wanolaka ya pepe isi toale eko njuje Atabo kangiba boma enanga mosusu akosi mabendele ya bosuni Je ne sais à qui nier, je ne sais à qui nier, je ne sais sacrifier. Attendez, passez votre silence.